« Savez-vous, disais-je un peu plus tard à Philippe en lui souhaitant le bonsoir à mon tour, que l'on comprend avec quelle facilité certaines circonstances prennent une apparence providentielle quand on voit des aventures comme celle-là. Ce pauvre moine a besoin d'argent pour son couvent. Il prie Dieu de toutes ses forces, et deux étrangers lui découvrent qu'il le possède, cet argent, là, sous la main. « C'est la bêtise du hasard, » dit Philippe en haussant les épaules. « Avez-vous jamais entendu raconter qu'un jeune homme de talent et auquel il ne manquerait qu'une petite somme pour être mis à même de montrer son talent ait trouvé cette somme ? Qu'un grand écrivain ait gagné un centime à une loterie ? Tenez, j'ai connu des bourgeois riches et stupides dans ma province qui ont vu leurs obligations de la ville de Paris sortir au tirage et leur rapporter des 200 000 francs. Un mien cousin m'en avait laissé une à moi de ces obligations-là. Je l'ai vendue, fort heureusement. En 10 ans, vous croyez qu'elle est seulement sortie une fois ? Pas même pour me rapporter 6 000 francs, 2 000 francs, 1 000. Et voilà ce frocard imbécile qui va les avoir, lui, ces 6 000 francs, plus peut-être, il les emploiera. À quoi ? À consolider une terrasse pour des moines qui ne reviendront jamais. Champfort disait que le monde est l'œuvre du diable devenu fou. S'il avait dit « devenu gâteux ». En attendant, fis-je avec une humeur jouée, et comme si j'eusse parlé à un petit garçon malade, pour ne pas avoir à me fâcher contre ce qui n'était après tout qu'une plainte trop justifiée, allez dormir et laissez-moi en faire autant. Comme le vent s'est élevé, un mélancolique vent d'automne qui tournait, doux et plaintif, autour du monastère, j'éprouvais une certaine difficulté à réaliser moi-même ce programme et à m'endormir dans le lit un peu dur des anciens abbés généraux. J'entendais Philippe Dubois aller venir dans sa chambre, et je me demandais si, malgré son ironie, trop outré pour n'être pas factice, il ne se sentait pas troublé lui aussi par le beau spectacle d'une vie si résignée, si pieuse, que notre hôte nous avait donnée tout ce soir. Les phrases du prêtre sur le caractère providentiel de certaines rencontres me revenaient. Est-il possible de réfléchir profondément, sincèrement à sa propre destinée et à celle de ses proches, sans subir cette obscure intuition qu'un esprit plane en effet sur nous tous, qui nous mène, par des chemins quelquefois très détournés, vers des fins que nous ne comprenons pas. Mais surtout, dans le châtiment de nos fautes, ce mystérieux esprit révèle sa présence reconnue par les moralistes de tous les temps, depuis les poètes grecs qui adoraient la Némésis, l'obscure équité universelle, jusqu'à Shakespeare et Balzac, les maîtres de l'art moderne. Leur œuvre n'est-elle pas dominée par cette vision d'une grande justice finale enveloppant l'existence humaine ? Puis je me faisais des objections par cette triste habitude du pour et du contre que l'on ne dépouille pas avec tant de simplicité, quoi qu'en pensât notre hôte. Je songeais à cette autre loi de décroissance qui veut que tout meure des plus belles parmi les choses humaines, depuis un être moral comme est un couvent, jusqu'au chef-d'œuvre des arts. Les fresques de Benozzo venaient d'être retrouvées après 400 ans, pour disparaître à nouveau dans quelques autres centaines d'années, mais détruites par l'invincible travail du temps. Oui, tout meurt et tout recommence. Donc Gabriel et Griffy a parlé tout à l'heure des basilidiens, de leur théorie subtile, et de l'orgueil qui est à la base de toutes les hérésies. Je me souvins de l'étonnante analogie qui éclata pour moi lorsque j'étudiais les doctrines d'Alexandrie entre ses paradoxes et nos maladies morales d'aujourd'hui. Mon jeune compagnon n'en était-il pas la preuve, lui qui m'avait énoncé à propos des relations des écrivains et du public, exactement ce sophisme du mensonge par mépris cher aux gnostiques ? Et je l'entendais marcher toujours, en proie à quelle agitation, jusqu'à ce qu'à travers ces raisonnements contradictoires, je finis par fermer les yeux, et quand je me réveillais le matin, ce fut pour voir au chevet de mon lit l'innocent Luigi, les bras chargés d'un plateau sur lequel était préparé du café au lait, et presque aussitôt le moine entrait dans ma chambre. « Ah, bravo !» me dit-il, avec son bon rire. « Vous avez pu bien reposer, et vous avez fait mentir le proverbe « Qui dormait donne pilia pesti. » Qui dort ne prend pas de poisson. Car un paysan vous a apporté des truies toutes fraîches pour votre déjeuner. Quant au seigneur Filippo, il est déjà à courir la montagne. Quand je suis revenu de la messe à 6h30, je l'ai vu qui grimpait du côté du village, leste comme un chat. Quand vous serez levé, nous irons revoir les Benozzo au grand jour. Le seigneur Filippo sera revenu, sans doute. Vous verrez aussi la bibliothèque du couvent. Ah, si vous saviez comme elle était riche avant la première suppression, celle de Napoléon Ier. Mais patience, puisqu'il paraît que nous allons déjà revoir notre terrasse. Multa renascentur. Une heure plus tard, j'étais levé, J'avais bu, sans trop faire la grimace, le café à base de chicorée passé par Luigi. Le père et moi nous rendions de nouveau visite au roi indien Gondophorus et au sourire de la Vierge. Don Griffy eut le temps de me montrer les réfectoires, le grand et le petit, les bibliothèques, les chapelles, le vivier, les citernes, les trois jardins où il élevait des cyprès minuscules en attendant de les planter. Philippe était toujours absent. S'était-il égaré? Ou bien éprouvait-il pour la conversation et la société du père une de ces antipathies dont les nerveux comme lui subissent les irrésistibles atteintes? Je me serais posé ces questions avec une certaine indifférence, je l'avoue, tant son continuel persiflage m'avait agacé, si, vers les 11 heures, et à notre retour de la visite à travers le couvent, je n'avais été littéralement frappé d'épouvante par un petit fait très inattendu et que je provoquais sans en avoir le moindre pressentiment. Don Griffy venait de s'excuser. Il était obligé de me laisser seul jusqu'au déjeuner. Je n'avais pas de livre avec moi. Ma correspondance était par extraordinaire au courant. Si je revoyais ces médailles d'hier, pensais-je, et voici que je demande le coffret au père qui me l'apporte lui-même. Installé paisiblement dans ma chambre, je déploie les papiers les uns après les autres, admirant ici un profil d'empereur lauré, là une victoire. Je ne sais pourquoi la fantaisie me prend de revoir l'Auréus de César avec la tête d'Antoine. Je cherche cette pièce parmi les autres. J'ai de la peine à la trouver. Je prends les médailles une par une, et je ne vois plus le nom du dictateur écrit sur aucune des enveloppes. « Nous les avons mal remises, » me dis-je, « et j'ai la patience de les défaire toutes. Pas de médaille de César, pas de médaille de Brutus non plus. Je ne crois pas avoir éprouvé dans ma vie une angoisse comparable à celle qui me serra le cœur quand je constatais cette absence de deux monnaies qui valaient certainement près de 2000 francs et qui étaient là, encore hier au soir. Je les avais tenues dans ma main. J'en avais regardé le détail comme à la loupe. J'en avais moi-même indiqué le prix approximatif au père et elles avaient disparu. J'eus l'espérance qu'il les avait mises de côté sur cette indication pour les expédier à Pise aussitôt et faire contrôler plus vite leur authenticité, et je courus à sa cellule au risque de le déranger. Il m'eût été impossible de ne pas vérifier sur le champ cette hypothèse. Don Griffy était occupé, avec un grand pendard de paysan roux, à recouvrer quelques créances, car le paysan tenait à la main un portefeuille de cuir des poches duquel sa main calleuse tirait, avec le plus comique regret, des coupures de 5 et de 10 francs. L'abbé vit à ma figure que j'avais une nouvelle importante à lui annoncer. « Votre ami n'est pas malade ?» me demanda-t-il vivement. « Non, » lui répondis-je. « Mais je voudrais me permettre de vous poser une question, mon père. Avez-vous retiré du coffret de Don Pio quelques-unes des pièces d'or que nous avons maniées hier ?»« Aucune ?» fit le bonhomme ingénument. « Le coffret demeurait là, tel que nous l'avions laissé. »« Ah, mon Dieu !» m'écriai-je avec terreur. « C'est qu'il en manque au moins 2, et des plus importantes, le César et le Brutus. » Je n'eus pas plutôt prononcé cette phrase que j'en sentis la terrible portée. Personne, jusqu'à notre arrivée, n'avait soupçonné ce que représentait d'argent la collection de Don Pio. Ce César et ce Brutus étaient justement, parmi les monnaies, celles que nous avions le plus remarquées. Elles avaient été dérobées. Ce n'était pas Luigi qui avait pu les choisir ainsi entre les autres, ni un des paysans pareils au rustre que je voyais en ce moment compter de nouveau avec son doigt calleux ses malpropres petits billets de banque. D'autre part, je ne pouvais pas être soupçonné. J'étais au lit au moment où le père disait sa messe et où sa chambre était vide. Depuis, nous ne nous étions plus quittés. L'éclair d'une atroce évidence me fit dire tout haut. « Non, non, ce n'est pas possible. » Je venais de voir Philippe tenter, aussitôt après notre conversation d'hier, par le voisinage si proche de ce petit trésor. Le bruit de ses pas, la veille, très tard dans la nuit, me résonna dans la mémoire et s'expliqua pour moi d'une manière affreuse. Il m'avait tant parlé, durant la route, de son besoin d'une petite somme qui lui servit à débuter à Paris. Il avait vu cette somme à sa portée. Il avait lutté, lutté, et puis il avait cédé. Il avait accompli ce vol si facile et deux fois infâme, puisque le pauvre vieux moine était notre hôte. Il lui avait suffi de se lever un peu avant l'heure de la messe. Il était sorti de sa chambre. Il s'était glissé jusqu'à celle du père. Il avait pris les 2 médailles qu'il savait les plus précieuses, sans doute d'autres encore. Puis, il s'en était allé dans la campagne, afin de donner un prétexte d'une part à sa disparition matinale, et aussi pour dompter le trouble dont il devait être bouleversé. Entre les paradoxes les plus hardis d'immoralité intellectuelle et une action honteuse comme celle-là, il y a un abîme. Je me sentis, devant cette accablante probabilité, saisi d'une telle émotion que les jambes me manquèrent et je dus m'asseoir tandis que Don Griffy disait à son paysan avec sa douceur habituelle « Va m'attendre dans le couloir, Pépé, je t'appellerai. » Puis, quand nous fûmes tous les deux seuls, « Voyons, mon enfant, » commença-t-il d'une voix que je ne lui connaissais pas encore, celle non plus de l'hôte amical, mais du prêtre, et en me prenant les mains. « Regardez-moi bien en face. Vous sentez que je sais que ce n'est pas vous, n'est-ce pas? Ne me dites rien, ne m'expliquez rien, et faites-moi une promesse. De forcer ce malheureux à vous rendre ses pièces. Ah, mon père, quand je devrais les lui arracher de mes mains, ou le livrer moi-même aux gendarmes, vous ne l'avez pas deviné ?» reprit-il en secouant la tête. « Et je veux au contraire que vous me promettiez sur l'honneur de ne pas prononcer un mot, qu'il ait soupçonné que vous avez découvert la disparition de ces médailles. Pas un mot, entendez-vous, et pas un geste. C'est mon droit de vous le demander, n'est-il pas vrai ?»« Je ne comprends pas, » l'interrompis-je. « Pazienza, » dit-il en employant son mot favori, « promettez-moi seulement et laissez-moi finir avec ce terrible Pépé. Ah, ces gens-là me font mourir avant que je n'aie pu revoir les frères ici. » Ils disputent 5 francs par 5 francs le paiement de leur fermage. Mais vous savez, fermez les yeux et se recommandez à Dieu. J'ai votre promesse. Vous l'avez, répondis-je, vaincu par une espèce d'autorité qui émanait de toute sa personne en ce moment. Et voulez-vous me rapporter le coffret tout de suite? Je vais vous le chercher, mon père. Malgré la parole donnée, j'eus une peine infinie à me contenir. Quand, une demi-heure après cet entretien, je me retrouvai avec Philippe Dubois, enfin revenu de sa promenade. Je dois reconnaître à son honneur que son visage traduisait à cette minute une anxiété intérieure qui eût achevé de me convaincre si j'avais gardé le moindre doute sur sa culpabilité. Il devait cependant se croire rassuré du secret, car c'était un bien étrange hasard que mon second examen du coffret, et moi excepté, qu'il pouvait constater l'absence des médailles dérobées. Nous les avions mentionnées trop vite pour que Don Griffy eût eu le temps d'en retenir les noms. Aussi, ce n'était pas la crainte d'une découverte de ce vol qui mettait sur ce front intelligent et dans ses yeux, si vifs encore la veille, cette sombre expression d'inquiétude. Je devinais que le remords et la honte le déchiraient, tout simplement. Il était si jeune, malgré son masque de cynisme, si voisin, malgré sa corruption intellectuelle, du chaud foyer de sa famille, si nourri encore de loyauté provinciale. Il remarqua bien la tristesse de mon regard. Mais s'il l'attribua d'abord à la véritable cause, le silence que j'observais, d'après ma promesse, dut le rassurer. « J'ai fait une magnifique promenade, » me dit-il sans que je lui demandasse aucun détail sur l'emploi de sa matinée. « Seulement je me suis égaré et j'arrive trop tard pour visiter le couvent. Je ne le regrette pas, car j'aurais peur de gâter ma sensation d'hier en revoyant ces fresques au grand jour. À quelle heure repartons-nous ? Vers les 2h30, lui dis-je. « Alors, » fit-il, « si vous me permettez, je vais boucler ma valise. » Il passa dans sa chambre sous ce prétexte. Je l'entendais qui allait et qui venait de nouveau comme cette nuit. Ma présence lui était malgré tout insupportable. Que serait-ce quand il reverrait l'abbé? J'appréhendais, avec une inquiétude qui allait jusqu'à la douleur, l'instant où, tous les trois, assis de réchef à la vieille table des novices, nous devrions causer, sachant le prêtre et moi ce que nous savions, et lui avec ce poids sur le cœur. Une curiosité se mélangeait à cette inquiétude. En me demandant le silence absolu auprès de Philippe, Don Griffy avait certainement son plan. Allait-il essayer de confesser le jeune homme sans trop l'humilier en tête à tête, ou bien, dans la divine bonté que révélaient ses yeux de vrai croyant, s'était-il décidé à pardonner en silence, comptant que le reste du trésor de Don Pio suffirait à payer la réparation de la fameuse terrasse? Toujours est-il que l'heure du déjeuner arriva, toutes les heures arrivent, et Don Gabriele vint nous appeler avec sa même voix gaie et cordiale. « Eh bien, Seigneur Filippo, vous avez pris fin dans votre promenade ?»« Non, mon père, » répondit Philippe, à qui le père avait saisi les deux mains affectueusement et que cette chaude étreinte paraissait gênée. « J'ai peur d'avoir eu un peu froid. »« Alors vous boirez un peu de mon vino santo, » reprit le moine. « Vous savez pourquoi nous l'appelons ainsi ?»« Nous suspendons des raisins séchés jusqu'au jour de Pâques, et alors nous les pressons. Il y a un proverbe toscan qui dit « Nell'uva sono tre vinaccioli » dans la raisin il y a 3 pépins, « Uno di sanita, uno di letizia et uno di ubriachezza », un de santé, un de gaieté, un d'ivresse. Mais dans mon vino santo, il ne reste que les deux premiers. » Et ce fut ainsi de sa part une suite de phrases doucement enjouées tout le long du repas, qui se composaient cette fois des truites promises, de châtaignes grillées, d'œufs en omelette qualifiés de frits et de grives, de ces grives gorgées de raisins et de genièvre, qui font le régal d'automne dans ce coin béni d'Italie. « Je n'ai jamais pu toucher un de ces petits oiseaux, » nous dit le père. « Je les vois voler de trop près ici. Mais nos paysans les chassent à la glu. Les avez-vous vus passer avec une chouette apprivoisée ? Ils disposent le long de la vigne des bâtons enduits de cette glu. Puis ils posent la chouette à terre attachée à un autre bâton. Elle volette ça et là. Les oiseaux s'approchent par curiosité. Ils touchent aux baguettes et les voilà pris. Je me suis toujours étonné qu'un poète n'ait pas fait une fable avec ce joli tableau. » Mais d'allusion aux pièces disparues, pas un mot. Pas un mot non plus qui marqua une différence entre ses dispositions à mon égard et à l'égard de mon compagnon. Peut-être un peu plus de câlinerie cependant pour lui, que je voyais comme brisé par cette sympathie presque affectueuse de notre hôte si indignement trahi. 20 fois je distinguais des larmes sur le bord des yeux de ce garçon, qui n'était évidemment pas né pour le mal. 20 fois je fus sur le point de lui dire « Allons, demande pardon à ce saint prêtre et que ce soit fini. » Puis Philippe fronçait les sourcils, ses narines se crispaient. Le feu de l'orgueil séchait ses prunelles et la conversation continuait, ou plutôt les monologues de Don Griffy, qui comparait maintenant son Monte Chiaro au Monte Oliveto, et il parlait avec tendresse de son ami qui est aussi le mien, le cher abbé de N, préposé à une besogne de garde toute pareille. Puis il nous racontait toutes sortes d'anecdotes sur le couvent, les unes infiniment intéressantes, une visite, par exemple, du connétable de Bourbon en marche sur Rome, et commandant en secret au prieur une messe pour le lendemain de sa mort, d'autres, enfantines et relatives à des légendes naïves. Ce ne fut qu'après ce repas et une fois remonté dans notre salon que je compris son intention et quelle idée lui avait suggéré une connaissance du cœur humain qu'un confesseur peut seul avoir. Nous ayant quitté quelques minutes, il rentra, tenant à la main la cassette de Don Pio. Je regardais Philippe. Il était devenu livide. Mais le visage ridé de notre hôte n'annonçait cependant aucune sévère interrogation. « Vous m'avez enseigné le prix de ces médailles, » nous dit-il simplement en posant le coffret sur la table. « Il y en a bien trop pour ce que j'ai à faire reconstruire. Permettez-moi de vous demander d'en choisir pour vous, chacun 2 ou 3, que vous garderez en souvenir du vieux moine qui a prié pour vous 2 ce matin. » Il m'avait regardé en prononçant ces quelques mots, d'un regard où je pus lire le rappel de ma promesse. Il était sorti, que nous étions là, Philippe Dubois et moi-même, immobiles. Je tremblais qu'il ne devinât que je savais son secret. La sublime indulgence de Don Griffy, destinée à produire un repentir presque foudroyant par l'excès de la honte, ne pouvait avoir son plein effet sur cette âme en détresse que si l'amour-propre blessé n'y mêlait pas son fiel. « Que c'est bon, un prêtre ! » dis-je simplement pour rompre le silence. Philippe ne répondit rien. Il s'était vivement retourné contre la fenêtre et il regardait le vert paysage que nous avions admiré le soir en entrant, plongé dans une rêverie profonde. J'avais ouvert le coffret et pris au hasard une des médailles pour obéir à notre hôte, puis je passai dans ma chambre. Mon cœur battit. Je venais d'entendre le jeune homme qui sortait en courant et ses pas qui se dirigeaient vite vite vers la cellule du vieux moine. L'orgueilleux était vaincu. Il allait rendre les pièces volées et avouer sa faute. En quels termes parla-t-il à celui qu'il avait d'abord comparé si insolemment à feuille hyacinthe, et que lui répondit ce dernier « Je ne le saurai jamais ». Seulement, lorsque nous fûmes remontés tous deux en voiture et que Pasqua lui dit à sa jument « Allons, Zara, cherche tes jambes !» Je me retournai pour revoir le couvent que nous quittions et saluer l'abbé venu jusqu'au seuil, et je reconnus, dans le regard que mon compagnon jetait de son côté sur le simple moine, l'aube d'une autre âme. Non, l'ère des miracles n'est pas close, mais il y faut des saints, et ils sont trop rares. Ainsi s'achève un saint par Paul Bourget.